Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du flow de cast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel qui boit, tout simplement. Ben oui, comme mon père. Oh, allez, quoi, ça va, bah oui, mais c'est vrai. Bon. C'est un alcoolo que vous voulez vous dire. Voilà, c'était. C'était. Nos deux invités cas, cette semaine. En tout cas, je dis pas comme Pio. Ah, oh là là, arrêtez, ça démarre fort. Coup de dague. Nos deux invités cette semaine, c'est un honneur de les recevoir. Notre premier invité est scénariste et réalisateur. Il est derrière bon nombre de films avec des titres qui permettent à des journalistes de faire des articles avec des bons mots. Toledo Nakash, un succès intouchable, une collaboration hors norme, un duo tellement proche, une carrière florissante bas qui marche un peu moins bien, je te l'accorde. C'est Olivier Nakash. Oui, oui. C'est vrai que j'ai souvent eu droit à des titres de films dans les présentations. Je m'en suis rendu compte. Afin que tout le monde vive des jours heureux. Magnifique. Et maintenant, vous faites exprès de faire des titres pour, c'est pour ça, les articles. Exactement. Notre deuxième invité est comédien, on l'a vu dans Le premier jour du reste de ta vie, Santa et compagnie, Mais vous êtes fou, La fracture, Yannick est près de 4 films avec des chevaux au cours de l'année passée, un amoureux du cheval. Écoutez, ça c'est vraiment une somme de hasard et de circonstances maladroites et, qui ont fait que tu coupes, c'est intéressant. Parce que moi là, je suis parti dans une explication interminable. En fait, il faut juste que je réponde. Ouais. C'est Pio Marmaille. Ah oui. Salut. C'est un mec qui était foudrage en arrivant car nous n'avions pas de bretzel. Ni bretzel. qu'est-ce qu'on a préparé quoi on est parti sur un cinnamon roll. Ouais. Un poil secos. Babka. Que Adrien avait ramené. Oui, mais c'est vrai qu'il est sec. Il a été fait la veille. J'en suis désolé. Pas par moi, hein, je l'ai acheté. Qu'importe. Écoutez, on est ravis de vous recevoir pour le film Une année difficile qui sort le 18 octobre. Tout à fait, exactement. Magnifique film que j'ai eu la chance de voir, qui est vachement bien. On en reparlera pendant l'émission. Mais ça reste un podcast, donc. Comme d'habitude avec le podcast, on commence avec les actus un peu insolites. Je vais vous parler d'un couple, ok? Peut-être le couple le moins chanceux du monde. En effet, leurs vacances en Turquie se transformaient en cauchemar, comme le titre West France, à cause de trois roches. À votre avis, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, il est question d'amulettes. Alors, il n'est pas question d'amulettes. Parce que Pio nous a dit en antenne qu'il était fou d'amulettes. J'adore les amulettes, j'adore les bagues sacrées, j'adore les catadioptres, tout ce qui est fabriqué à base de pierres semi-précieuses, c'est ma cam. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer. Tu as un mage, tu as une sorte de magicien. J'aime la magie, un druide, noir ou blanche, qu'importe. J'ai envie de vivre ma vie, merde. Allez, ça vous donne une idée de l'ambiance sur un tournage avec Pio Marmaille. Voilà, vous avez un petit condensé. Mais c'est bien, mais attends, la maison. Si on parle de Turquie, c'est un rapport avec des implants capillaires ou des Non, pas du tout. Non, il ne s'agit pas d'un youtubeur. Si c'est pour moi que tu dis ça, c'est. Non, mais des cailloux, pas vraiment des cailloux. De vraies roches, de vraies. Non, mais des cailloux, pas des trucs, des gros trucs. Non, des petits cailloux. Est-ce que c'est dans leur bouffe? Non, pas dans leur bouffe. Dans leurs chaussures. Pas dans leurs chaussures, non. Dans leurs vêtements, non. Alors, quelque part dans leur valise, j'ai envie de vous dire. Ah, j'ai une idée, je sais. Ils se sont fait arrêter à la douane. Ouais. Et ils avaient des cailloux de crack dans leur. Dans l'inverse, moi je dirais. Ah, on a cru que c'était ça. Ouais, je pense que c'est ça, non. Je pense que la douane a dû penser que c'était du quecra. Alors qu'en fait, c'était des simples amulettes. C'était des fous de roches semi-précieuses. Et hop, au placard. Merci, au revoir, ciao. Alors, vous êtes presque ce là. Ce sont des amulettes, oui, bien sûr. Surtout que je dois dire. Je fais une précision. Pour ceux qui ont vu un certain film, Les prisons en Turquie. Oui, bon. Oui, non, mais c'est ça. Mais ceci étant, vous êtes presque dedans et pas dedans. C'était une fiction, hein. Ouais. Dois-je le répéter? Je sais que c'est ton cheval de bataille. Cheval, sans jeu de mots, bien sûr. Bien sûr. Non, en fait, vous êtes presque ça. Je vais vous l'accorder parce que tu disais en riant, c'est des amulettes et pas du crack. Ils ont cru que c'était des pierres sacrées. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter. Une semaine de vacances. Attends, c'est fou. C'est tombé extrêmement bien. Tu savais qu'il était fou d'amulettes? J'ai énormément bossé. C'est vrai que c'est assez dingue. Dans Bretzel, t'es tombé à côté complètement. Mais là, c'est fou quoi. Dans 5 ans, je remplace De La Housse. Vous m'entendez? C'est le but. Une semaine de vacances passée en Turquie qui s'est très mal passée. Le couple a été arrêté à l'aéroport par le service des douanes. Ils avaient glissé dans leur bagage 3 cailloux trouvés sur un terrain vague, un souvenir de leur séjour. Ce séjour horrible? Parce que le souvenir que tu ramènes, c'est une pierre d'un terrain vague. Ils voulaient les mettre dans leur. Attends, prends un souvenir, quelque chose, merde. Les gars, je suis en train de pisser, mais c'était pour leur aquarium, dites-vous. Il s'est dit, mais parce qu'en fait, nous on fait le tour du monde et on met des petits cailloux de tous les pays dans notre aquarium. C'est mignon. Un peu mignon, tu vois, ça pourrait marcher. Mais c'était malheureusement des pierres sacrées. Hélas pour eux. Alors, ce n'en était pas, mais les autorités turques l'ont cru. En fait, c'est ça qui s'est passé. Le couple a dû passer une nuit à l'aéroport en attendant les résultats d'une expertise pour vérifier si ces pierres étaient sacrées. Ils ont dû se plier à des relevés d'empreintes, assister un avocat turc qui malheureusement ne parlait pas bien anglais, donc malheureusement très peu pu les défendre. Et au final, le turc est assez proche de l'anglais. Bah visiblement pas assez, visiblement pas assez pour eux. Vous connaissez un peu la langue. Au final, le jeune homme de 28 ans est pour l'instant coincé en Turquie encore. Quoi, c'est encore maintenant là ? Toujours aujourd'hui. Alors, il regarde et il fait un film là dans sa tête là. Regarde, regarde, il se dit alors comment ça pourrait être la une de l'idée, ce titre. Attends, voir maudite vacances. Il faut que ça corresponde à ma vie. Il faut qu'il puisse le placer au niveau de l'interview. Un caillou dans la chaussure, non. Turkish holiday. Ok, c'est parti. Mais oui, non, parce que c'est arrivé le 16 septembre. Donc ça fait déjà une bonne semaine. Oui, mais il faut le temps de clarifier aussi l'histoire. C'est ça. Est-ce que ce sont des amulettes ? Est-ce que ce ne sont pas ? Ça se trouve, c'est ça. Je vais réveiller un fantôme, ça se trouve. Qu'est-ce que c'est des pierres sacrées par contre dans la vraie vie? C'est-à-dire dans la vraie vie ça dépend. Bah là on va demander quand même à l'expert. Si on rentre dans le détail, voilà, le druide pio, druide marmaille. Moi c'est le titre de l'épisode. C'est simplement c'est des pierres semi-précieuses, je le précise parce que je pense que les auditeurs vont essayer de me faire passer pour un magicien un peu trop puissant. Moi je reste vraiment proche du peuple. Je veux un truc qui soit efficace dans un rayon de 5 mètres. Donc pour ça, le mieux c'est tout ce qui est lapis lazuli. Il y a des vrais termes. Lapis lazuli et quartz. On passe à la suite. Non mais voilà, juste que vous sachiez, ils sont pas juste complètement fous en Turquie. C'est juste que l'exportation de biens culturels et d'antiquités est sévèrement réglementée et punie en cas de fraude en Turquie et de peine de prison. La notion d'antiquité est interprétée de façon très large par la loi turque, explique le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ici, ils avaient trouvé ça sur un site protégé ou un truc comme ça. C'est possible. En fait, c'est pour ça que c'est en pleine expertise. D'accord. Une compagnie anglaise nommée Yel va commercialiser un parfum avec une odeur très particulière. Je vous demande laquelle. Vomi. De quoi ? Vomi. Pas du vomi. Est-ce que ça a un rapport avec des fluides corporels ? Non. Non, pelleteuse ? Non. C'est vrai que plus odeur de pelleteuse. Moi, tout ce qui est machine outil. De toute façon, on continue dans les aveux et on rentre dans mon intimité. Tout ce qui est machine outil, pierre semi-précieuse, vous l'avez saisi. On verra. Non, je sais pas. Alors, on va mettre la musique de 7 à 8. On va au plus profond de Pio Marmaille, vraiment pour en savoir. Est-ce que c'est quelque chose d'organique, quoi? Une odeur qu'on connaît tous. C'est une odeur qu'on connaît tous. C'est une odeur, disons, un peu nostalgique. Ils essaient de caresser un peu la nostalgie. Comment? Ah oui. J'ai eu peur. Je vois une tête décapitée dans un gobelet. Bocal. C'est servi dans une tête de bébé, c'est un peu limite. Ah, je sais. Mais ça plaît aux druides. Du lait. Alors, pas du lait. Non, c'est vraiment une odeur issue d'un objet, dirais-je. Mais de notre enfance, du coup ? Alors, c'est pas vraiment d'une enfance, mais c'est quelque chose qui n'existe plus. Doudou. Ah. Pas un doudou. Ah, c'est pas la pâte à ballon ? Pas la pâte à ballon. L'odeur de Pierre Belmar ? Non. Ça n'existe plus. Pierre Belmar. Eau de Belmar. Bah, un autre titre, hein, malheureusement. Ouais, on a beaucoup là. C'est quelque chose qui n'est un objet qui n'existe plus. Un objet qui n'existe plus, qui était beaucoup utilisé dans les années 80-90. Une odeur de Minitel. On s'approche, on est dans le monde de la téléphonie. C'est vrai ? Pas un Nokia, pas un tam-tam. Bebop. Ça n'a pas vraiment d'odeur, un tam-tam. Pensez à ce qu'il y a un truc qui a vu une odeur forte. Faut penser à plus la cassette vidéo. Pas une cassette vidéo. Magnétoscope. Téléphonie, t'as dit ? Dans le monde de la téléphonie. Mais pas le téléphone en lui-même. Qu'est-ce qui permettait de. Le fil. Pas le fil. L'écouteur. Pas l'écouteur. On va y arriver. Ah, le cabine téléphonique. Non, pas cabine téléphonique, mais dans une cabine téléphonique. Ah, le botin, un botin. J'ai gagné. Italia. Qui gagne son poids en amulette. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Je tiens à dire quelque chose. Je mets une petite pause dans cette formidable démarche d'émission. C'est vrai que si vous prenez un vinyle. Oui. Si vous prenez une cassette VHS, vous savez les cassettes qu'on louait avant, il y a une odeur qui est forte et qui nous balance directement dans notre enfance. C'est ça. Vrai. Mais c'est pour ça qu'ils ont commercialisé l'odeur des pages jaunes. Voilà. Mais alors attends, c'est l'odeur d'un livre. Ou d'un journal. Alors, mais venez-moi, genre ils disent pages jaunes. Ça dépend quelle lettre. Non, mais voilà, là, je vous montre. Ça s'appelle Eau de Yellow Pages. Voilà, c'est juste. Ah, donc c'est vraiment Eau de quelque chose. Eau des pages jaunes. Attends, mais c'est anglais, oui. Mais d'accord. Oui, bah, tu sais, on est intentionnel comme émission, hein, tu le sais. Hein. C'est vrai, bon, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes des gens nostalgiques? Est-ce que vous avez, par exemple, gardé un objet de votre enfance, peut-être d'un tournage? Est-ce que vous avez un rapport comme ça avec la nostalgie? Ouais, moi je suis hyper nostalgique. Ah ouais? Ouais, hyper. J'ai des boîtes chez moi avec tout un tas de trucs que je garde depuis très longtemps, et notamment le billet, je pourrais l'envoyer, si vous voulez, le ticket de caisse de ma première doudoune Chevignon. Ah ouais? J'ai supplié mon père, supplié pour avoir la doudoune avec le canard derrière. Bien, ah ouais. J'ai gardé, je l'ai encore. Ouais, j'ai beaucoup de trucs comme ça, comme mon premier ticket de concert des Cure, ou des trucs comme ça. Oh, très stylé. Ouais, bien sûr. Très, très stylé. Et le truc que t'avais gardé du bar de Paul Dance? Ah bah non. Non, bah ça c'est du. Bah la barre, ton premier sceptre. Non, mais le sceptre qu'on t'a offert, avec lequel t'as été adoubé. C'est pas très nostalgique. Oui, ça. Non, je suis pas très nostalgique, moi. Je suis quelqu'un qui avance, je suis un penseur. T'es dans l'instant présent, quoi. Tu gardes non, non, je, non, un peu de divination, je garde mais des choses, mais après, j'ai toujours le... En fait, je stocke. Je suis plus quelqu'un qui stocke. Ah oui. Mais je ne regarde pas, en fait, le dôme d'objets. J'essaie de l'oublier un jour ou l'autre, peut-être que le syndrome de Diomède, ça s'appelle, malheureusement. De Diogène, pardon. Ah, c'est les gens qui gardent tout. Mais eux, c'est pas, c'est jusqu'à la folie. Enfin, c'est genre ils ne jettent rien, oui. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Toi, t'es pas du tout nostalgique, toi. Un peu quand même, ça se manifeste sur des trucs très spécifiques, genre j'aime bien la vieille technologie, surtout les trucs de jeux vidéo et les ordinateurs de quand j'étais petit. Ouais. Je collectionne un peu ça. Ah, c'est vrai. Ouais, les vieilles consoles et tout, même des consoles que j'ai pas eues, mais ça me rappelle quand j'étais gosse et que je jouais aux jeux vidéo et tout. Donc j'ai un peu une collection de ça. Mais ces trucs que je rachète, c'est pas tellement des trucs que j'avais à l'époque. Oui, c'est parce ça. Parce que bon, voilà, j'ai rien de l'époque. C'est ça. Suite les divorces, les déménagements et tout, j'ai tout. Ça va. Ah, ça va. Je putain, on déconne là, t'as tout gâché, putain. Bon, file-moi une pierre. Je suis vraiment moral là. Je suis. Et de vos tournages de films, vous avez rien gardé? Si, j'ai gardé pas mal. Si, j'ai des objets qui sont cachés dans mes water. T'as un exemple ou pas? Une épée peut-être? J'ai gardé l'épée de Porthos. Ah, pas mal. Bien sûr. Si, j'ai des trucs comme ça. Ça va servir tout à l'heure. J'ai des casquettes. J'ai les faux Césars qu'on m'a offerts. Comme ça, j'ai un faux Oscar aussi. Ouais. Ah oui, tout est faux. Dans mes water, tout est faux. C'est vrai. C'est vrai. Si, ouais. Moi, j'ai un moment dans Intouchable, Omar, il a un gilet en laine. Et je sais pas Chevignon. Pourquoi. Non, c'est Scott en plus, ah, oui, ouais. En vrai. Et le soir on changeait de décor, donc c'était terminé. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. J'avais froid. Je l'ai gardé. Il est dans ma penderie en fait. Et puis à chaque fois, bon, bah dès que je prends je le mets pas, je l'ai jamais mis. Jamais, non, je ça. Le mets pas. Ah, tu le mets pas. Omar est un peu plus grand et fort que moi. Non, je le mets pas, mais il est là, et à chaque fois que j'ouvre, ça me rappelle. Ah, c'est mignon. Voilà, très joli. Non, j'ai des trucs, ouais, je garde beaucoup de trucs, moi. C'est un peu je comprends. J'ai sûrement aussi une pompe. J'ai perdu la gauche. Ah oui, d'accord. Ouais, je garde des trucs. Ouais, une pompe à vélo, je me dis là ça va vraiment aussi. Moi, mon père, il m'a fait un truc très marrant récemment. Il a tout jeté en me disant oui, mais fallait faire de la place. Ah, c'est très marrant. Ce à quoi j'ai demandé, mais de la place pourquoi? Et il n'a pas su me répondre. Tu sais, il y avait un truc très bizarre de non, mais là, ça traînait. Genre, oui, mais tu ne fais rien de ma chambre. Donc pourquoi Warhammer? Tu joues à Warhammer? Non, je jouais pas. Tu parles de figurines? Mon physique. Tu veux qu'on en parle? Parce que moi, je suis un fan de Warhammer. Ah oui, mais mon père a donné, je pense, l'équivalent de, je dirais, la moitié du Stade de France. Bon, j'ai failli redire Amulette, c'est pas possible. Mais ça me fout en l'air, cette histoire d'Amulette. C'est un délire. Non, moi, j'ai une malédiction qui t'a été jetée. Arrête, il est trop tôt, vous parlez de malédiction. Non. Moi, je parle vraiment là de Warhammer 40 000. J'avais une armée de dingue. Et mon père, je sais que tu vas l'écouter. Warhammer Enzo. Ou Warhammer 40 000. Enzo, tu as donné un enfant. J'ai même pas envie d'en parler. Ça m'en dingue. Warhammer 40 000. 40 000, ouais. Donc des trucs que les Space Marines. J'avais pas. Les Space Marines. C'était l'équivalent des Soviétiques. D'accord, ok. Voilà. Bref, passons. Pas mal. Terrible, mais pas mal. T'es le Henri Cavill français. Mais c'est vrai. Henri Cavill, il fait de la peinture de figurines. Ouais. J'adore ça. Ouais, bah voilà. Bah, tu écoutes. Magnifique. Un petit point commun, si tu le rencontres, tu pourras lui dire moi aussi. Ou alors, un coup de dague. Un coup de dague dans le foie directement. Elles sont où tes figurines? À loisir. C'est ça qui va te sauver. Tiens, regarde. Est-ce que vous connaissez le groupe Les Vents Passent? Bien sûr. Oui, bien sûr. Groupe rock alternatif. Groupe de punk rock. Quelle mésaventure est arrivée aux fans du groupe lors de la sortie de leur dernier album? Aux fans du groupe. Y avait aux gens rien qui achetaient. Ils ont acheté le CD, il n'y avait rien dessus. Alors, tu t'approches. C'est une histoire de CD compliquée. Attends, on parle de quelle année là? De récemment, leur dernier album. Il y a déjà, les Vents Passés existent toujours déjà. Mais première oui, bien news. Sûr, bien sûr. Première news. Mais oui. Ah oui, c'est ça. Ils ont acheté un CD, ils ont une mauvaise surprise. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de CD dedans. Alors, si, il y avait le CD. Le CD n'était pas vierge. C'était pas le bon. Alors, je vais vous donner la réponse. C'était un album de Daniel Guichard. Écoute. On s'approche. Oh. Hervé Villard. Non, on est plus, un peu plus moderne, mais il s'agissait tout simplement du dernier Kali. Donc c'est-à-dire que tu achetais les Vents Passent. C'est vrai. C'est drôle. Et tu avais mais Kali. Mais c'est pas sciemment ça, c'est une galère. Une erreur totale d'imprimerie. Ouais. Sciemment, ça aurait été vraiment une super idée. Il est marqué, on va bourrer les CD de Kali à l'intérieur. Viens danser. C'est Qu'est-ce que vous faites? Et où on passe? Donc Cali reconnaît avoir été un peu bouleversé quand il a pris la nouvelle, parce qu'en fait le disque devait sortir 15 jours voire 3 semaines après. Donc c'est un leak en plus. Donc c'est un leak de son album. C'est un collecteur en tout cas le truc. Un calique. Il dit. Oh joli. Un calique. Non mais voilà. Non mais moi je fais ça un calique bien sûr. Un calice là c'est attention. Henri Calique. Non mais voilà. Oh non non. Et le truc a cartonné. Non pas du tout. Malheureusement ça n'a pas marché. Je sais pas si vraiment les fans, il y a vraiment un regroupement entre Cali et Vampas. Je suis pas sûr. Bah tu crois pas si bien dire, puisque pour l'anecdote. Si tu crois si bien dire. Ah oui, alors autant pour moi, je retire tout ce que j'ai dit. Didier Vampas avait fait une chanson où il parlait de Universal, parce qu'il avait refusé un contrat avec Universal, et il avait chanté un duo avec Cali, Navré ça ne m'intéresse pas, Imagination Zéro. Donc c'est à dire qu'en plus ils étaient un peu en clash. En plus ils étaient un peu en clash et l'album se retrouve. Ça peut pas être un hasard. Oui c'est ça. Je pense. C'est une malédiction aussi je pense. Sortilège. Ça pue le sortilège ton histoire. Ça pue le sortilège à ça, c'est un sorcier noir qui a. Il s'est trompé de cible. Il a fait CTRL F Cali. Il a fait. Allez. C'était pas le bon. Et il a fait CTRL F Cali. Ouais. Et ben moi, je vais vous raconter une petite anecdote comme on a le temps. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai voulu aller voir Terminator 2 au cinéma que j'attends. Là, d'ailleurs, à 5 mètres d'ici. Et je suis rentré dans la salle, je me suis installé et j'ai vu Toto le héros. De Jaco van Dormael, c'est un des je crois que c'est le premier film, je suis pas certain, de Jaco van Dormael. Ah oui, donc c'est une ambiance Jaco van Dormael qui a fait le 8e jour, ouais, et en fait, ils se sont trompés à l'époque, c'était en pellicule, ils se sont trompés mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'au moment donné quand le film a démarré, tu as les moitiés de la salle qui s'est barrée et moi je suis resté. Et le film est incroyable. Ouais. Toto Lero, c'est un film, il a un univers Jaco van Dormael et le film est incroyable. C'est comme ça que j'ai découvert ce metteur en scène. Même pour moi, j'allais voir des trucs, des sulfateuses et des machins, tu vois. Ouais. Ça tapait dans tous les sens, donc j'ai découvert ça. Donc c'est un peu une erreur. Ouais, pour le coup, c'est une erreur heureuse. Heureuse. Pour toi. Heureuse. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est vrai. Un homme est devenu millionnaire grâce au film Les Tuches. Et je ne parle pas de Jean-Paul Rouve. À votre avis, que lui est-il arrivé? Alors, est-ce qu'il s'appelle Tuche lui-même? Comment est-ce qu'il est devenu millionnaire? Il est devenu millionnaire. Est-ce qu'il n'a pas déposé le nom de. Ah, je sais. Tu sais le nom d'internet là? Le nom de. Oui, le copyright un peu. Enfin, copyright, ouais. Enfin, le nom de domaine, tu veux dire? Le nom de domaine tuche.com, un truc comme ça? Moi, je pensais tout de suite à ça. Ouais. Non, c'est peut-être, pas ça. Peut-être que dans les Tuches, je sais pas s'il donne les numéros du loto gagnant. Ouais. Il l'aurait joué, il l'aurait gagné. Non, ce serait très joli, mais c'est pas aussi stylé. Est-ce que c'est juste un procès? Non. Non, mais je sais pas, j'en sais rien. T'imagines, jamais. Ah, remarque. Non. Jamais. L'idée était plus proche, l'histoire est malheureusement moins jolie que ta réponse, mais quand même un peu marrante. Il a joué, il est mort, non. Et il a pas gagné. Non. Une histoire de son mort, père là-dedans. Est mort en regardant les Tuches, de rire. L'assurance, il a hérité. Pas un truc d'assurance. En fait, il regardait la téloche, tout simplement, le gars, et il tombe sur les Tuches, qui parle. En fait, les Tuches, effectivement, l'histoire, c'est qu'il gagne au loto. C'est une famille. Et ça lui a donné envie de jouer au loto. Non, il s'est rappelé qu'il avait joué au loto. Il fait ah mais c'est, c'est vrai, pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai joué moi au loto. Il avait un ticket gagnant, mais c'était périmé. Non, heureusement pas périmé, mais il avait un ticket gagnant du lot de Euro Million pour être tout à fait honnête, et il a décroché le jackpot. Vas-y, balance le chiffre. Un 1 million d'euros. Ça c'est l'Euro Million. Ouais. Faux chiffre. J'annonce tout de suite la couleur. Faux chiffre. La française des jeux, c'est ma cam. Là. Voilà. Le monde du jeu, c'est mon délire. Je suis endetté à hauteur de 8 millions d'euros. Attends, mais c'est une histoire heureuse quand même. Mais oui, très heureux. Il portait le bague de chance quand même. Donc. Depuis le mois de juin, la Française des Jeux recherchait le vainqueur d'un ticket à 1 million d'euros. L'heureux élu pouvait se manifester jusqu'à mardi, faute de quoi son gain aurait été remis en jeu. C'est-à-dire qu'en plus, ça a failli. Oh la vache. Il a failli se faire ken. Et l'homme qui jouait 10 euros par mois avec ses collègues ouvriers depuis plus de 15 ans n'avait jamais gagné. Ah. Il a gardé plusieurs tickets de la team. Il faudrait calculer ce qu'il a perdu du coup. Sûrement énormément. Parce que 10 euros par mois pendant 15 ans, faut voir combien ça fait. Mais c'est... La scène où Jeff Tuche touche le jackpot lui fait penser à tous ces tickets qu'il n'a pas vérifiés. L'homme se rend chez son buraliste et voit l'annonce de recherche avec un code MyMillion. Et à ce moment-là, il réalise que ce code d'une valeur d'un million d'euros, c'est celui qu'il a eu sur son reçu. Voilà. Incroyable. Il a gagné le million. Incroyable. Quoi, ça sauve des villes cinéma. C'est vrai, ça change la vie, littéralement. Alors, dans le film Une année difficile, on va pas spoiler, mais il y a un personnage qui est assez addict, alors pas au jeu d'argent, mais au casino. Au jeu, ouais. Le film parle de surendettement. Comment vous êtes venu à vouloir aborder ce sujet du surendettement? C'est pas le seul sujet du film d'ailleurs. Ouais, c'est pas le seul sujet. Alors, il y a plusieurs zones où on va chercher des idées, on va dire. Il y a des thèmes qui nous touchent. Là, on était. C'est vrai qu'on réfléchissait aux gens qui sont sous la ligne de flottaison, ces personnes-là qui travaillent, qui sont dans la vie, mais qui galèrent. Les fins de mois sont très, très difficiles. Et en fait, c'est comme ça qu'on a, en enquêtant un petit peu, on s'est rendu compte de la vie des gens qui qui cloquaient comme ça des crédits conso à n'en plus finir et qui se retrouvaient vraiment dans des situations problématiques. Ça, c'est la partie, on va dire, fond. Et il y a une partie plus inspirante au niveau des acteurs, c'est Pio, parce qu'on a, on avait vraiment écrit en pensant à lui. Et il nous inspirait ce genre de personnage un peu social. Donc, c'est la rencontre d'un acteur qui nous inspirait, comme je viens de le dire, et de thèmes comme ça. Et on a fait des enquêtes, on a fait nous-mêmes des ateliers d'éducation budgétaire, on a rencontré des gens qui étaient dans cette situation-là pour nourrir le scénario. D'accord, très bien. Et vous êtes sensible à des trucs comme ça, des jeux de hasard, jeux d'argent, des choses comme ça. Tu veux dire à hauteur de, enfin, de plusieurs millions. C'est... Non, mais je pense pas que c'est lié au film, mais j'ai toujours une espèce de conscience quand même de du fait en fait de gagner ma vie, quoi, parce que j'ai pas toujours gagné ma vie comme je la gagne aujourd'hui, par exemple. Et j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas au casino, par exemple, c'est pas un truc que je trouve excitant. Je regarde les, tu vois, je me mets à l'extérieur, je peux attendre 5-6 heures tranquillement à regarder les gens passer, mais je n'y rentre pas, ça m'intéresse pas trop. Pourtant il y a un parallèle, on joue aussi. On a la chance de faire ce métier, on mise sur ce qu'on fait. Toi, tu mises sur tel scénario ou tel scénario, c'est le même mot, on joue. Mais c'est vrai que moi non plus je suis pas du tout adepte. Par contre, j'aime bien regarder les gens jouer. Ouais, j'aime bien ça, devenir fou. Ouais, voilà. J'aime bien regarder ça. C'est ça. Mais ce que fond dans l'arme, se faire expulser, enfin j'adore. Mais ce que tu dis, c'est intéressant de dire que dans ton métier tu joues, parce que c'est vrai que des fois ce que t'as pas dans ces trucs là Tu l'as dans tes métiers, c'est pour ça aussi que tu le cherches pas. C'est aussi ça, on mise, on prend des défis, on prend des paris. C'est vrai que on l'a dans notre métier tout le temps, quoi. Ouais. Mais et en même temps, avec cette chance que c'est un truc dont on rêvait quand on était gosse. Donc ça, c'est encore, encore autre chose. Mais nous, on n'est pas des gros joueurs, c'est vrai. Une colonie de vacances a fait polémique aux États-Unis. À votre avis, quel en est-il? Ça m'intéresse. Ben oui. C'est pas un truc. Je connais la réponse. C'est pas un truc en lien avec une religion monothéiste. Non, pas du tout. Merde. Pas du tout. Ils ont emmené les enfants quelque part où ils devaient pas les emmener. Non, c'est plutôt le thème de la colo. J'avais demandé. Parce que quand il y a des colos Harry Potter, il y a des colos. Pouf souffle for life, baby. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, j'allais y venir, mais c'était une cartouche que je gardais pour plus tard. J'ai fait le test internet. Je suis pouf souffle. C'est tout. Terminé. Et ils nous disent en rendez-vous. Tu l'as dit nulle part ailleurs. C'est une exclue. Je vous le balance en pleine trognasse, les cocos. Je suis pouf souffle. Laissez-moi vivre. S'il y a des articles qui veulent nous reprendre, qu'ils n'hésitent pas à citer. Là. Ouais. Ça a été dit ici. Là. Attends, qu'est-ce qu'ils possible, ont pu faire? Alors, des colonies de vacances, là, je suis quand même un spécialiste. Ah oui, c'est colo à thème. Une colo à thème, un truc qui est complètement fou. Alors tu disais, c'est sur un film ou pas? Voilà, c'est sur un film. Massacre à tronçonneuse. Et alors attends. Délivrance, écoute. Très sympa, très bon délire. Un film dans lequel il y a des enfants? Non, mais il y a des ados. Enfin, des ados, des jeunes adultes. Stranger Things? Pas Stranger Things, un peu plus ancien. Un film, bon sang, pas une série. Ah non. Désolé, il est très sur le jeu. Breakfast Club? Pas Breakfast Club, alors plus récent. Un truc plus récent. Plutôt année 2010, je dirais. Avec des ados, pas Mystic River, j'espère. Non, c'est pas ça. Attends, on va trouver avec des ados. Les Goonies? Pas les Goonies, encore plus récent, vraiment. Encore plus récent. Ce genre-là, un peu à fantasy, aventure. Non, plus grandiloquent, c'est une saga. Je peux pas vous le dire, vous disiez Harry Potter. Divergente? Le labyrinthe de Maze? Twilight. Non, pas Twilight. Merde, ouais. Vous êtes pas loin. Là, vraiment, Pio, t'es vraiment. Attends, je répète ce que j'ai dit. Hunger Games. C'est pas vrai. Réponse. Bien, wesh. Très bonne réponse d'Adrien. Il y a eu 16 morts. 16 enfants sont morts. Ils ont dit. Attends. Alors non. Ça n'a pas une faille dans notre. Personne n'est décédé, je vous rassure. Mais une journaliste du quotidien Tampa Bay, on cite nos sources, a passé une semaine dans ce camp en observant le fonctionnement. À l'entrée, elle est accueillie par une pancarte réalisée par un enfant où il est écrit: perdre, c'est comme mourir. Bête d'ambiance, wow. Je veux dire. Ouais, mais vérité. Ouais, mais pardon. Si désolé, désolé. Si tu veux qu'ils aient un peu de caractère, les gosses, c'est bien de leur apprendre. On vient de regarder la série Tapi autour de la table, on a un tempérament de mineur. J'ai la gagne, attends, tu rigoles. Il a la gagne. 1 euro, c'est pour moi. Attends, tu rigoles. Tu bouffes ou tu te fais bouffer, c'est comme ça. Les organisateurs se sont inspirés du film pour les activités sportives. Agilité, tir à l'arc. Et alors qu'au cinéma, les personnages d'Hunger Games doivent tuer. Alors je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est ça, c'est bien sûr, le Battle Royale. Battle Royale, ouais. Dans la colo, la vie est symbolisée par un drapeau noué autour de la taille. Donc il se tue pas vraiment. Ah, tu. Oh, mais va. le problème, c'est là où je voulais en venir, Adrien. C'est que l'ambiance, du coup, est assez dark au sein de la, du camp de vacances. Par exemple, un dialogue entre trois petites filles que la journaliste a noté. Je ne veux pas te tuer, dit Riley, 12 ans, à sa camarade Juliana, qui répond: moi, je vais sûrement devoir te tuer en premier. Un petit garçon l'avoue, si je dois mourir, je préférerais que ce soit par une flèche. Oula. Bref, tout le monde parle de mort. C'est un peu bad. C'est de la fiction. Je veux dire, il faut arrêter de s'arrêter à ce type de détails. C'est des gens, les enfants ont besoin aussi de se confronter à ce type d'aventure. C'est pas faux. C'est vrai. Mais ça doit faire une ambiance un peu dark. Mais ça me fait penser, parce que moi j'ai été animateur de centre de loisirs. Non mais là, c'est fou, mon anecdote regroupe tous les thèmes. Non mais attends, parce que j'étais animateur. Le thème c'était Amulette. Non non, le thème c'était, on avait fait une journée casino. Ah oui, au centre de loisirs. Aussi, ouais. Ah ouais. Et c'était évidemment pas avec de vrai argent, ils avaient la monnaie virtuelle. Ça l'ambiance. Malheureusement. Avec leurs membres. J'étais viré juste après. Non mais ils avaient de l'argent virtuel qu'ils pouvaient jouer et tout. Et je m'étais rendu compte que ça les rendait fous en fait, ouais. Alors que c'était censé être un jeu. Mais il y avait un truc de, ils couraient partout pour récupérer. Je crois que c'était des tickets et tout. Et il y avait un côté putain, ça les rend dingue alors que c'est faux. Et donc je vois en quoi ça peut poser problème quoi. Moi je vois une idée, si tu fais le thème dents de la mer et quand tu ramènes les enfants aux parents, tu ramènes un genou. Alors on a sauvé ça. Ouais, donc, pas mal. Comment t'es amené à travailler dans une colonie de vacances? Bah, en fait tout ça c'est je le dois à mes parents qui très très tôt m'ont envoyé en colo dès 6 ans où je suis parti en tant que participant on va dire. Et après j'en ai fait tous les ans et ensuite j'ai eu tout de suite envie. Parce qu'en fait, il y a un truc quand t'es participant, il y a quelque chose, tu sais pas que tu vois un culte, mais tes animateurs, c'est un peu pendant ces 3 semaines-là, c'est des demi-dieux. Et ouais. T'adores ça, tu les t'aimes tes animateurs, donc j'ai tout de suite eu envie de devenir animateur. Et voilà, et d'ailleurs, j'ai un fils qui est aussi animateur, qui n'est pas loin. Et donc, non, mais voilà, c'est vrai que c'est une expérience incroyable. Je conseille à tous les parents et les enfants ou les jeunes qui nous écoutent, partez en colo. Un petit BAFA avant. Ouais, un petit BAFA. Mais en tout cas, après, voilà, nous on était à une époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais c'était vraiment un coupage de cordon qui est ultra ultra bénéfique. Ouais, moi j'ai pas du tout eu cette expérience malheureusement. Malheureusement l'inverse. Il a écrit un scénario qui s'appelle Nos jours terribles. ouais non moi je ne voulais pas, mais moi j'étais très introverti et tout. Alors ça m'aurait fait du bien ça si aide, j'étais parti plus tôt je pense. Ouais. Mais en fait moi je disais à mes parents je veux pas y aller. Un jour ma mère m'a dit allez vas-y une fois et si t'aimes pas moi ça s'est mal passé, je suis revenu avec un cocard. Ah oui. Malheureusement, je me suis battu et ma mère a peut-être un peu culpabilisé. Elle m'a récupéré avec un cocard et tout. Ah oui. Ça s'est mal passé. C'était où? Je sais plus exactement. Je me rappelle. Ah mais c'est toi. Putain. T'as vu une petite droite. Tu vas pas rater. T'as vu une droite. Ouais, je t'avais cherché. Voilà. Je t'avais cherché. Toi, t'as fait de la colonie de vacances, Pierrot, pas du oui, tout. Oui, j'étais animateur aussi. J'avais passé le BAFA. Je faisais du ski et puis je me suis retourné la jambe dans l'autre sens. Mais là, on va rentrer encore dans une histoire interminablement chiante. Ah non non. Alors, non mais bon, c'est des douleurs et des souvenirs terribles. Mais moi, en tout cas, j'aime bien l'idée de la pédagogie, en tout cas de la transmission, c'est un truc qui me parlait. Enfin, je pense que c'est un truc qui fait encore écho en moi, même aujourd'hui, je crois. Il y a un truc. Et l'idée du collectif, un peu, on parle de ça, mais j'aime bien ça, quoi. Ouais. C'est un truc que j'ai, parce que j'ai pas de frères et sœurs, et c'est un truc que j'ai reproduit après, en tout cas, la volonté, pas d'être entouré, mais de fabriquer une espèce de noyau d'individus auquel je participe, quoi, quelque part. Et un droit de création, je sais pas, j'ai eu ça après plus tard. Mais je pense que c'est né dans les colonies de vacances. C'est sûr. Et puis nous, avec Eric, on a prolongé, on s'est rencontrés en colo, on a prolongé un peu ça. On adore être 80 à table, un plateau, c'est du monde, on adore ça, on adore être entouré, on travaille pas seul, on aime ça. Et ça vient forcément des colos. Et aussi, c'est un endroit de mixité incroyable. Ouais. T'as un échantillon de la société dans un endroit paumé dans la France ou dans les Alpes ou ailleurs. Et c'est vrai que, en tout cas, t'en apprends sur toi. Là, quand tes parents te disent toute la journée t'es beau, t'es intelligent, quand t'es là-bas, tu sais où tu te situes à peu près. Et tu sais ce qu'il va falloir faire, ou tu sais qu'est-ce que tu vas développer. Par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je développe l'humour. Voilà, tu sais par où tu vas, quoi. Mais est-ce que dans vos familles, vous étiez aussi beaucoup en groupe? Il y avait du monde aussi dans vos familles? Ouais, on est des grandes familles. C'est vrai que on n'est pas d'une génération. Enfin, on a été beaucoup en. Alors, je parle à la fois d'Eric et moi, on est beaucoup en meute, en groupe. Et ce qui est assez étonnant, c'est encore jusqu'à maintenant, on a les mêmes potes que quand on avait 16-17 ans. Ah, c'est fascinant. Ouais, ça, c'est assez, assez fascinant. Bah, lui, d'ailleurs, nous deux déjà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. On aime bien le groupe, on est à l'aise dans le groupe, on est à l'aise sur un plateau quand il y a du monde. Encore avec ce film-là. Il y a beaucoup de gens, voilà, c'est pour ça que vous êtes souvent généreux, même en second rôle, il y a beaucoup de. Ouais, on adore ça. Il y a vraiment toujours un personnage, il y a beaucoup de personnages à chaque fois. Ça nous permet de parler de pas mal de gens qu'on croise dans nos vies ou des typologies de personnages. Ouais. C'est pour ça que quand on a fait en thérapie, ça a été un vrai défi de se canaliser sur un canapé. De faire en sorte que Pio reste assis sur le canapé. Oui, c'est votre première collaboration en thérapie. Oui, c'était la première collaboration. C'était il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, oui. C'est vrai que moi qui suis assez speed, Le fait d'être assis sur un canapé, si tu veux, pendant un mois et parler d'un personnage que j'interprète. Ouais. Mais c'était une traversée, en tout cas, très, très singulière, parce que c'est tellement rare ce type d'expérience, tu vois, où t'es pas dans l'efficacité. C'est ça qui est ça que j'entends par là. C'est vraiment quelque chose de. C'est une vraie plongée, quoi. Et bon, du coup, je pense que commencer par un truc comme ça, c'était tellement à l'opposé d'un film, je dirais, conventionnel, tu vois, où il y a une action plus réaliste, quoi. La continuité, elle m'a fait du bien, je pense. Ça nous a fait du bien aussi, je pense, de passer à quelque chose de. Waouh, tu vois, avec des avions, des machins, des. Enfin, bref. Sans spoiler, bien sûr. Sans spoiler. Non, mais sans après, spoiler. Juste, je rappelle que moi, j'étais animateur de Son de loisir. Je m'occupais d'un gamin qui est Matteo Guendouzi. Oui, c'est vrai qu'il ressent. Il met l'église au milieu du village. Excuse-nous. Excuse-nous de connaître des footballeurs. Excuse-moi. On n'est peut-être pas à fond dans le cinoche comme vous, mais on a quand même 2-3 blases. Voilà, mais voilà. Je tire mon épingle du jeu. J'ai pas. Déjà, il jonglait tout ça. Déjà. Il jouait. Bah lui, il était tout petit. Il avait 6 ans. Et il jouait au foot avec les plus grands. Les plus grands et il était très frustré. Il était déjà très. Il s'énervait, il piquait des colères parce qu'il était frustré de ne pas réussir à être à leur niveau et tout. Donc je lui disais, calme-toi, Matteo. Et depuis ? Et depuis, bah, un frérot, il me répond à tous mes messages et tout. Matteo, si tu m'entends, réponds. Une femme a été condamnée pour avoir eu un comportement inapproprié. Rien de glauque. Enfin. Un peu crado, mais pas glauque. Avec Leonardo DiCaprio, à votre avis, qu'a-t-elle fait? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a fait avec quoi, toi? Non, parce qu'il y a une républicaine, une députée, là, qui s'est fait virer de la comédie musicale Beetlejuice. Okay. Parce qu'elle branlait à moitié son mec pendant le tournage. Attendez, là on est parti dans une direction qui, à mon avis, me sent un poil scabreuse. Est-ce qu'on pouvait pas se recentrer? Ça va. Il a dit à moitié. Là, il a les dit enfants, à moitié. À moitié. C'est quoi? C'est quelle partie du kiki? Parce qu'il sait ça. Non, mais après, attends, chacun fait son petit chemin dans sa tête. Et voilà. C'est un spectacle vivant. Il faut choper ce qui arrive. Et voilà. Non, mais voilà, c'est une députée républicaine. Mais dans le public, tu veux dire? Oui, oui. Pas sur scène. On est encore en train de s'écarter. Beetlejuice. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle aurait fait à Leonardo? Elle l'a croisé comme ça? Alors, elle ne l'a pas croisé. Elle lui a envoyé quelque chose. Ce qu'elle a voulu faire n'est même pas allé jusqu'à lui. Ah. Est-ce que c'est envoyé quelque chose par la poste? Tout à fait. C'est sous-vêtements? Pas non, je pense que c'est quelque chose de plus. On a dû franchir un cap là. Ouais, il y a un petit vide. Est-ce qu'on est sur une partie d'elle-même? Non, je sais pas. Non, pas une partie d'elle-même. Un fluide. Non. On s'approche. Ah, un tampon. Aïe, aïe, aïe. Non. Son parfum. Non. Son parfum, ça serait pas. Non, elle lui a envoyé une lettre. Bravo. C'est un dans Titanic, elle a dit. Enfin, je le dis, c'est ça. Bah, crève un abcès, je t'en supplie. De la cyprine, sa propre cyprine. Ah non, pas du tout. Oh là, je sais pas. T'es malade ou quoi? Mais t'es dégueulasse. Mais t'es complètement taré. Ça, putain. Ah, je suis pas un mage, je suis pas un grand réal, pardon, mais je suis un gars du peuple. Quoi? C'est poil de chatte? Je le dis, mais j'ai pas peur de le dire. Quoi? Putain, c'est pas possible. Oh là là, mais t'es tapis, mon pote. Mais c'est ça, mais quoi? Attends, tu rigoles. Moi, je suis sur le terrain, moi. Alors, on va pas dans les bureaux, on va bosser. Attends, alors, non, elle mais a non, envoyé mais je pense un que truc. C'est une dent? Un truc hygiénique? Non, alors, c'est pas d'elle. Un truc d'elle, ses cheveux? Non. Non. C'est pas non mais t'étais pas si loin. Oui, non, oui, je vois bien. Vous avez voulu me le dire. Dans la non mais oui, mais moi je viens de la banlieue, moi. Attends, je suis pas un politicard. Une odeur de paix. Non, non malheureusement. Non mais c'est en mais tout cas, c'est un lien avec voilà une partie de son corps. Voilà. Ouais. Oui. Oh, alors, des ongles de pied. Non, c'est la partie du corps. Non, c'est pas une partie du corps. C'est sexuel. Non, c'est pas sexuel. On va être déçu. Ça peut être, tu vois. C'est pas sexuel. Oui, oui. Donc sort un mouchoir. C'est de la peau, c'est des peaux mortes. Pas de. Mais quand t'as eu un coup de soleil. Bah, je sais pas, non, tu vas, je sais pas. Non. Vous foutez pas de sa gueule en fait. Hein. C'était super propal. Bouffe souffle for life, baby. Non, c'est. Je vais vous dire la réponse. Non, on va trouver. Il dit qu'il est pas joueur, mais regarde, tu vois. Moi je dis que je suis pas joueur. Non, mais pour ça, tu vas pas au casino. Au casino, non, mais. C'est pas un truc d'elle, donc c'est pas. C'est un truc qu'elle a créé. Ah, qu'elle a créé. C'est un moulage. Non, c'est une sculpture en poils. Non. Non, mais je me suis dit ça. C'est pas un moulage. Brûle, est-ce que c'est. Ah! Attends, non. Est-ce que c'est. Non, c'est pas un moulage. Non, c'est pas un moulage. C'est quelque chose d'artistique un peu? Pas du tout. Mais elle l'a fabriqué? Elle l'a fabriqué. J'ai pas utilisé le mot. Elle l'a fait, quoi. Un dessin? Non. Une photo? Une omelette, ouais. Une omelette. Un truc un peu scabreux, quoi. Non, pas une omelette avec des ingrédients surprenants. Attends, elle l'a fait. Non, mais c'est trop. Tu le fais tous les jours. Caca, du caca. Ouais, voilà. Ah, c'est ça. Non, c'est tout. Bah, excusez-moi. Oh, et bah, pardon, et bah, quoi. Mais ça, voilà. On m'a humilié parce que j'ai discipline. La réponse, c'était de la merde. Voilà. D'accord. Et ça se finit au tribunal, cette histoire. Alors, malheureusement, oui, parce que selon la chaîne australienne ABC, Veronica Gray a envoyé plusieurs colis depuis un bureau de poste de l'État d'Australie. Ah, oui, c'est ça. C'est, on a dépassé le kilo, quoi. C'est ça. C'est le quintal, presque. Et a été démasqué lorsque l'un des colis, malheureusement, s'est rompu et s'est déversé sur un employé de la poste. C'est un colis ou une colique? Oh non. On peut faire des jeux de mots encore dans ce pays, je sais pas. Mais, mais en plus ça dépend de ce qu'elle a bouffé la veille. Oui. Mais, c'est ça. Non mais surtout que c'était un peu joli parce que c'était dans un. Non, non. C'est dans un écrin. Attends, c'était peut-être dans une fiole. Et là, on peut récupérer Pio peut-être. Dans une fiole avec de la sauge. Ok, c'est bon. Okay. Dans ce cas-là, ça va. C'était une bénédiction. Cette native des Philippines a envoyé une vingtaine de sacs contenant ses excréments et son urine. C'est juste pas un labo et c'est gouré. Il y a DiCaprio qui est aux Philippines. Un mec qui étudie ça, tu vois. Le docteur DiCaprio. Voilà, docteur DiCaprio à Manille. Là, le botin va falloir me mettre sur la liste rouge parce que je reçois des analyses d'urine. Et c'était écrit que c'était une confiserie de Saint-Valentin, précise la chaîne, sur les colis, mais ce n'en était pas. Un rapport psychiatrique communiqué au tribunal a indiqué que la personne souffrait d'un trouble mental. Son avocat a déclaré. Confond les confiseries mais avec les excréments malentendus. Son avocat a un petit panache, puisqu'il a déclaré qu'il n'avait pas souhaité, souhaité harceler les acteurs, mais qu'il avait plutôt voulu partager sa passion pour l'environnement. Et oui. Ah, mais on en revient. On en revient. C'est vrai. Et la transition est vraiment bien trouvée. Ah, très fort. Alors dans ce film. Non mais parce qu'elle a dit, lui il est très pour l'environnement, et ben voilà ma pisse. Bon, je sais pas trop comment elle a fait. Le chemin est un peu. Je pense que l'avocat a vraiment dit, bon je sais vraiment rien. Elle a peut-être lu que Leonardo il a du compost chez lui, un moyen de recycler. Non mais parce qu'il est très impliqué en plus. C'est ça. Peut-être qu'elle lui a dit vas-y. Composte-le. De l'engrais, voilà de l'engrais. C'est l'axe de défense de l'avocat. Je sais pas si ça a fonctionné. C'est vrai, tu vois. Oui, c'est ça. Qui avait rien, visiblement. Ouais. Enfin, vraiment, il était dos au mur, il a fait, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu des moments gênants avec soit des fans, soit un public? Alors, pas aussi fou, bien sûr, mais des. Après, si c'est aussi fou, on va bien l'entendre. Je pense que Pio, t'as dû avoir 2-3 trucs, non? Ou peut-être même des fois, parce que des fois, il y a aussi juste des gens qui vous reconnaissent vite fait, enfin, qui vous ont vu 2 fois à la télé, et qui. Est-ce que c'est des trucs qui. Alors, moi, on me prend souvent pour un cousin ou quelqu'un qu'on a vu, ou on m'appelle Monsieur Toledano. D'accord, ce qui est normal. Non, nous, on n'est pas. Et tu corriges ou pas quand c'est comme ça? Non. Une fois sur deux, mais c'est pas une fois, on m'a même dit, pendant la période où on avait des masques, on m'a même dit avec le masque on vous a reconnu Monsieur Toledano. Ah oui, le malin. Donc voilà, non. Ça aurait été drôle qu'on t'appelle Toledano Nakash même. C'est Toledano Nakash. Mais tu sais, sur les plateaux, les techniciens nous appellent Rick Olivier. Ah oui, comme d'accord. Comme ça c'est clair. Mais Pio, t'as pas eu des. Non, j'ai fait les interviews. Je me rappelle d'un truc que j'avais fait avec Michel Drucker. Ouais. C'était le dimanche là. Comment ça s'appelle le Vivement dimanche. T'as envoyé sa merde malin. Pas du tout. Non, c'était très cordial. Et en fait, et alors il me dit, et alors Mio. Et donc, je me suis dit, il a dû fourcher, tu vois. Il me pose une question sur le film, et bon, la question n'était pas très claire parce que en fait, j'arrivais pas à faire le lien. Je pense que je suis pas sûr qu'il ait vraiment vu le film en question dont on parlait. Et je me suis dit, et donc il me regarde quand même, il me dit, alors Mio, il me redit, et donc je me comprends. Mio Parpaille. Il l'avait pas. Il lui a dit, écoutez, Pichel. Ce qui est pas si grave au fond, mais c'était. Oui, ouais. c'était déstabilisant un peu. Déstabilisant, ouais. Une anecdote qui est pas dans non, un non, elle est pas elle est pas folle. Elle nous régale. Mio, voilà. Mais je pense, après, il y a eu des choses plus. Non, mais moi, franchement, j'ai pas l'impression que je génère chez les gens des trucs, des envies d'envoyer des excréments ou des trucs comme ça. Non. Ça reste quand même plus. Attention, après, un public, nous, un public. Non, mais ça reste quand même très très cool, avis aux amateurs. Avis aux amateurs. Ouais. Pio Marmaille, Paris CEDEX 12. Vous envoyez, n'hésitez pas. Géraldine Nakache, qui était venue dans l'émission, nous avait raconté que lorsqu'elle avait croisé Adam Sandler, elle avait dit My brother is the director of Intouchable. Ouais. C'est la seule chose qu'elle lui a dit. Ouais, apparemment. Est-ce que tu as des news d'Adam, j'ai envie de dire? Non, j'ai pas de news d'Adam. Je peux juste te dire. Enfin, c'est vrai qu'elle a dit ça, donc elle s'est dit, je sais pas pourquoi ça s'est sorti. Elle l'avait raconté dans l'émission, c'est pour mais, ça. Mais j'ai une anecdote qui est un peu similaire. Des fois, on sait pas quoi dire quand on rencontre des gens comme ça. Et un jour, à Los Angeles, lors d'un périple avec Eric, on nous présente Sacha Baron Cohen. Oh. Là-bas, ils sont très à introduce you. Ouais. Alors, nous, enfin, c'est très gênant. Et à un moment donné, il y a Sacha Baron Cohen qu'on aime beaucoup, quoi, tout particulièrement. Et donc, y a une agent qui est là et dit « Ah, je voudrais te présenter ceux qui ont fait Untouchable. » Elle dit ça, Untouchable. Mmh. Et lui a dit « Untouchable, touch my ball. » Et il est parti. Et il est parti. Donc je me suis dit... Mais pas du tout en perso. Ouais, il était juste... Il était juste « You can't touch my ball. » Et il est parti. Alors je me suis dit, c'est une magnifique présentation, une magnifique réponse. Je pense qu'il s'en souvient. Bah, il a brisé la glace tout de suite. Voilà, exactement. Exactement. Mais c'est vrai que Géraldine, elle a vu Adam et c'est ça qui lui est sorti comme ça. Je l'appelle Adam, alors je connais pas. Oui, Adam. Un frérot. On va faire un petit jeu, parce qu'il est déjà... Ça passe à une vitesse. Ça va, on a 5 minutes, merde, allez, vas-y. 5 minutes, allez. Ça, c'est la phrase que j'ai tout le temps, ça va, merde, 5 minutes, allez, vas-y. Sur les affiches de films, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais il y a ce qu'on appelle les taglines parfois. Les taglines, c'est une espèce de petite phrase qui donne envie. Mmh. Par exemple, dans Nos Jours Heureux, il y avait cet été, confiez vos enfants à des professionnels avec l'affiche, c'était Jean-Paul Roux qui essaie de séparer des enfants qui se tabassent. Et sur Premier jour de ta vie, c'était cette famille, c'est la vôtre. Voilà, c'est des espèces de petites phrases qui donnent envie. Je vous propose un jeu, je vous donne des taglines de films. Oh, c'est bien. Ah, super ça. Pas toujours c'est des bons. Enfin, pas toujours des bonnes taglines. Les films sont. Voilà. Mais d'accord. Juste pour te dire, parce que là, pour vous donner un petit secret, quelque chose qu'on n'a jamais dit. L'affiche de Nos Jours Heureux, on n'avait pas d'affiche en fait, on n'avait pas les bonnes photos. Et Nicolas Duval, notre producteur, qui avait une boîte, qui a toujours une boîte qui faisait de la pub, il a fait travailler des gens pour une tagline. Et c'est à partir de la tagline qu'on a re-shooté la photo. Ah d'accord. Tu vois, c'est passé mais à l'envers. J'adore moi les taglines. Ironique. Enfin, je trouve qu'il y a toujours un truc qui marche très bien sur cette. Alors vas-y, dis-nous et on doit trouver le je film. Je vous en fais des faciles au début pour se mettre dedans et voilà. Par exemple. Le gars, c'est un Terminator. Facile. Le dernier homme sur Terre n'est pas seul. Survivant Man. Non mais le mec là, non mais attends. Avec celui qui a mis la torgnole là aux Oscars. Oui, je suis une légende avec celui qui a mis la claque aux Oscars. Voilà, c'est ça ça m'est revenu. Survivant Man. Oui, avec celui-ci. Il a dit Survivant Man avec celui-ci qui a mis la tasse aux Oscars. Donc une bonne réponse pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. I Am Legend, c'était c'est un titre plutôt sobre et pas prétentieux. I Am Legend, je crois. Pour le neutraliser, il doit devenir celui qui le traque. Parce que je sais qu'on a un fan de films d'action des années 80 ici. Attends, Non, c'est celui qui. C'est un Van Damme. Non, c'est 90. Ouais, c'est Taken. Celui avec le tueur là, avec celui qui est. Prédator. Non. Je réfléchis J'ai pas le droit de. Si, je te dis juste que c'est tu pas fais, ça. Non, attends, tu regardes Théo, tu me regardes mal. Avec Tommy Lee Jones. Non, pas le fugitif. Oui, voilà, c'est ça. Pas Men in Black. Ah non. Avec celui-là qui a mis la claque là. Peut-être avec celui-là qu'il a reçu. Non. Attends, c'est pas Catch Me If You Can, non? C'est quoi? Non, c'est vraiment un film d'action. Pour le neutraliser, il doit devenir celui qu'il traque. Il y a Schwarzenegger. Volte-face. Bravo, vous avez tous les noms pour moi. Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peuvent l'arrêter. Emmanuel. Ouais, ça c'est Predator. Bah, tapis, c'est tapis. Non, je crois. C'est pas tapis. Mais non, c'est. Non, mais c'est. Bah, c'est Rocky, Rambo, Rambo, c'est Rambo, c'est Rambo. Alors, pas n'importe lequel. Rambo 4. Rambo 2, la mission. 2. Ah, oui. Ah, elle est belle celle-là. Aucune. C'est contre les soviétiques. L'Afghanistan. Je crois que c'est celui-là, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. L'Afghanistan, c'est le 3. C'est le 3. C'est celui où c'est qu'il a l'arc. Où c'est qu'il a l'arc explosif, non? C'est celui-là où il est caché. Non, ouais, il est caché en arbre. Oui, bien sûr. Comme dans Hunger Games. Exactement. Elle l'a rencontré en avion, il va la mener en bateau. Ah bon. Putain, c'est pas Amour et Turbulence ou... Non, ça c'est américain. Film d'action avec un peu de comédie des années plutôt 2010. Ouais, c'est ça plus sent... récent. Elle ça l'a rencontré en avion. Jennifer Lopez, un truc mais comme ça. Raconte le film. Alors non, c'est pas ces deux acteurs, mais effectivement on est sur de l'acteur hollywoodien. Elle l'a rencontré en j'aurais avion. J'aurais dit décalage horaire. Non, c'est pas ça. Attends. Elle a rencontré en avion. Non, ça aurait pu être Titanic. Oui, un bateau. Comme quoi que ça se passe dans un avion. Attends, voir. Oui, c'est plus ça se passe dans un avion. Ah, je sais. Up in the air, là. Non, non, non. Tu m'aurais dit oui, Georges Clooney. Non. Mais je vais vous le donner ce qu'il est pas très simple. Vas-y. Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Si, c'est là où il dit t'es up, t'es down, t'es up, t'es down. Allez, on va se refermer. On avance. Avec celui-là qui fait ses cascades, là. Avec celui-là qui fait la moto, là, dans le ciel. Là. Cette fois, c'est personnel. C'est tout. Ah, alors, c'est une suite. C'est une suite. C'est un 2. Cette fois, c'est personnel, ça peut être. Ah, je sais, ça Rocky. Putain. Non, c'est pas Rocky. Ah, je le sais. C'est un, mais c'est un film. C'est la suite, une suite pas ouf d'un film culte. Camping. Non, attends. Tu sais quoi? T'es pas si loin. Parce qu'on est sur des décors qui ressemblent. Ah, je le sais, putain, ça me rend fou. Ah, Rickin. C'est personnel. Rickin. Pensez une plage. Comédie. Non, pas une comédie. Ah, Pensez plage. Ah, oui. Ouais. Cette fois, c'est personnel. Oui. Une plage, ça va venir. Tu disais camping, t'étais pas. Ouais. Pour moi, c'est le camping américain. Souviens-toi, non, bah non. Non. Souviens-toi, c'est le camping américain. Je ne veux pas vous lancer. Attends, voir. Attends, c'est compliqué. Donne le réalisateur. Non, tu donnes pas l'indice. Bah, je peux pas donner le réalisateur. Non, c'est la suite vraiment d'un film culte où peut-être il y a des photos du film dans mon appartement. Les dents de la mer. C'est les dents de la mer. Ah bon? Les dents de la mer, la revanche. Cette fois, c'est personnel. Voilà, c'est la tagline du film. Mais moi j'avais compris que c'était la suite d'un film pas ouf. Donc je cherchais un truc. La suite pas ouf d'un film culte. Ah, j'avais mal compris. D'ailleurs je crois qu'il est réalisé par un Français, celui-là. Ah ouais? Ah, je c'est sais pas. Jean Osvark qui l'a réalisé. Je vais regarder. Mais je sais que le film. C'est pas Spielberg. C'est pas Spielberg. C'est Jean Osvark, je crois. C'est Joseph Sargent, il s'appelle. Écoute. Mais je crois que c'est Jean Osvark. C'est l'anagramme. Si tu veux. Si tu veux. Mais j'ai une anecdote. Jean Osvark qui avait réalisé aussi un Colombo. Ah, putain, c'est la même comme plein Spielberg. Dans la tronche. Spielberg a réalisé. Non mais Spielberg a réalisé un Colombo. Ils lui ont confié la réalisation du 2. Et moi je savais qu'il l'appelle en France Les Dents de la Mer deuxième partie. Parce que sinon ça fait merde. Sinon ça fait Les Dents de la Merde. Les Dents de la Mer 2. Eh bah oui. C'est comme saucisse. Voilà, c'est ça. Mais eux ça ils l'ont appelé saucisse par contre. C'est ça. Peu importe où, quand et comment, quelqu'un doit payer. Emmanuel, je reviens. On est encore. Là on est dans les 80s. J'adore. Peu importe. Ah, mais ça, c'est un film d'action. Film d'action. Inspecteur Harry, un truc comme ça. Non, plus l'ambiance que disait Adrien. Demolition Man. Judge Dredd. Pas Stallone. L'arme fatale. Pas un Mel Gibson. Non. Die Hard. Quelqu'un doit payer. Un truc vraiment action. RoboCop. Non, moins bourrin. Plus bourrin. Van Damme. Pas Van Damme. Seagal. Pas Seagal. Plus bourrin que ça. Schwarzenegger, on a dit. Schwarzenegger. Attends. Commando. Très bonne réponse. Oh la vache, putain. Commando. J'ai, c'était vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça c'est un chef-d'œuvre. Putain, quand il va, quand, quand il va, quand ça démarre là, qui est comme ça, qu'il a le, tu sais, quand c'est qu'il le a tronc le, d'arbre, le tronc d'arbre, huilé là, comme ça. Oh là là, qu'il est bien, il est beau. Dire que Pio aimerait s'il y a des metteurs en scène. D'ailleurs, il a fait un film. S'il y a des metteurs en scène, il a envie d'être avec deux sulfateurs. J'ai envie de transporter des troncs d'arbre. J'ai envie de mitrailler les gens. C'est pas tombé dans l'oreille. Non, t'inquiète pas. En tout cas, j'arrêterai la magie s'il le faut. J'abandonne mes amulettes. Je suis prêt. Alors, okay. Moi j'ai envie de te voir en magicien maintenant. Bah, c'est ça aussi le truc. Un petit truc d'heroic fantasy là. T'inquiète pas que c'est dans les tuyaux. Le crime est un poison. Voici le remède. RoboCop. Non. Mais attends, on est encore dans les muscleux. On est Le crime est un poison. Ah bah c'est Judge Dredd. Pas Judge Dredd, Stallone. C'est un Stallone. Avec celui-là qui Cobra. Attends. Cobra. Oh là là, superbe film aussi. Super film. C'est fantastique. Je l'ai après pas ça, on a Over the Top. Hein. Bien sûr. Attends, Cobra. Je chiale. T'as eu, je suis en train de chialer. Rien que quand j'y pense, je chiale. Avec Brigitte Nielsen. Bien la sûr. Fiche, blouson de cuir. Lunettes. Clope. Quand ils s'embrouillent avec les Mexicains qui ont osé toucher sa bagnole là. Ouais, c'est ça. Oh là là, putain, j'ai les poils. Pour qu'ils se prennent en même temps. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours tout avec lui. Moi je suis tapis. Là, moi, il a ses sur la bagnole. J'ai vu la série, moi je suis tapis. Chez ma caisse, attends, tu rigoles. C'est combien ça coûte? Il nous en reste deux. Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse des vagues. Jeter à l'eau. Ouais, on revient toujours sur... Non, non, alors là on est sur toujours un peu d'action. Alors, le monde plus... de Nemo. Ah, Speed. Pas Speed, mais on est dans ces eaux-là. C'est pas un film très connu. C'est pas Steven Seagal. Non, c'est Bruce Willis. Mais alors pas son plus connu. Piège en mer. Oh, très bonne réponse. Ça me régale. Pauvre souffle. Piège en mer. Piège en haute. Alors non, merde. Mais non, piège en mer, c'est piège en mer. Si, piège en haute mer. C'est Steven Seagal. Mais non, ça c'est piège. Non, non, ça c'est piège en eau trouble. En eau trouble. J'ai fait une projection d'ailleurs. J'ai eu la possibilité de le projeter. Piège en eau trouble. Qui passera la trappe. Allez, piège en haute mer. J'ai panique cinéma. En plus, bah, j'étais exactement. Là, je suis venu, mon pote. On s'est bien marré d'ailleurs. Bah, oui, très bonne soirée. J'en tenais une belle couche. Allez, passons. Piège en haute mer, c'est Bruce Willis. Oui. Non, piège en haute mer, pardon. C'est piège en eau trouble, c'est ça. En eau trouble. Piège en eau trouble. Piège en haute mer, c'est Steven Seagal. Et piège en eau trouble, c'est Bruce Willis. Les pouces dans les yeux là. Pardon. Et s'ils font une suite, c'est piège en eau très trouble. Voilà, c'est ça, bien sûr. Dieu pardonne, lui pas. Ah, j'adore ça. Inspecteur Harry. Non. Inspecteur Harry. Attends, Dieu pardonne, lui pas. Un film sur Ben Laden. Non. Non. On est un peu chez les musculeux encore. Hein. Bah bien sûr, tu m'étonnes. Dieu pardonne, lui pas. Excusez-moi, vous êtes. Je suis tapis. Je cherche pas. Ne regarde pas avec tes yeux de merlan frit. Je suis tapis. Tu vas faire quoi? C'est pas un film de Desplechin. Non. Ce n'est pas non plus un François Ozon. Attends, ça doit être bien. Ça, si on doit l'aimer, c'est américain. Dieu pardonne lui pas. Est-ce que il y a un thème Jason de Statham. Pas Jason Statham. Il y a un thème de religion un peu dans le film. Pas du tout. D'accord. Tout. Rien à voir. Pas du tout. Van Damme. Pas Van Damme. Non, mais c'est un. Schwarzenegger, on a dit. On ne l'a pas dit, mais ce n'est pas lui. Ni Stallone. Pas Stallone. Voilà, il y a qui d'autre? Est-ce qu'il y a un mec connu de emblématique des films d'action? Il a fait un peu d'action. Je sais pas s'il est emblématique de films d'action, mais c'est français. C'est français. Wow. Français. Dieu pardonne lui pas. Est-ce que c'est un film parodique? Un peu. Ah voilà, avec José Garcia, avec Pio Marmaille. Oh, puisque c'est la tagline. Mais bien sûr, violence numéro 2. Oh là là là. Putain, c'est moi-même. J'étais en train de me dire, mais qui a pu écrire un truc pareil? Là, c'est moi. Bien vu, Pio Pio. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est quand même? Oui, bien sûr. On va lever le voile sur cette histoire. Un petit point commun avec Adrien, parce qu'Adrien a fait un truc un peu comme ça aussi. Ah bon? Pendant la Covid, et j'insiste sur le là, nous avons eu une expérience avec mon père et ma compagne, un ami et les gens chez qui on était, enfin chez nous. Après avoir effectivement fabriqué, je dirais, une demi-tonne de gyoza, comme tous les Français, pour s'occuper, on s'est dit si on tournait un film d'action entre nous. Ce qui nous a pris quand même trois bonnes semaines. Et je vais vous dire, l'idée est venue quand on a regardé. Oh la vache, mon cerveau, je te jure. Comment ça s'appelle? Avec. Où c'est qu'il y a une gamine qui est protégée par un gars chez des Mexicains? Code Mercury? Non, Logan? Non, ça va revenir. Mais bon, je continue l'histoire. Et on a tourné ça avec un budget de. On s'était limité à 100 euros, ce qui est déjà une belle somme. Et on a tourné. Sans l'avance sur recette. On est parti bille en tête. Il est toujours disponible sur Internet YouTube. Gratuitement sur YouTube. Ouais. Tapez bien Ultime Vengeance 2, les origines, parce que sinon ça va partir sur un truc. J'ai les codes coupés. Pour réduction si vous souhaitez des goodies. Et je vous écoutez, ça dure un quart d'heure, c'est absolument délicieux. On a fait le doublage nous-mêmes. Ah, t'en fais ce que tu veux de cette histoire. Ah, ouais. Tu parles de Phantom Force. Parce qu'Adrien, d'accord, lui a fait Phantom Force de Phantom son côté. Ah, génial. Ouais. Ah, ouais. Et on a fait en fait, c'est un hommage aux séries des années 90 qu'on a fait. On a fait Quel le Rebelle, par exemple. Voilà. Superbe. Lorenzo Lamas. Évidemment. Il était flic et il faisait du bon travail, ouais, mais il avait trahi d'autres flics qui étaient corrompus. Ouais. Non, et d'ailleurs, qui avait mal tourné. Bobby Six Killer. C'est ça. Reno Reigns. Vincent Black. Tout ce que j'irais. Vincent Black, Reno Reigns. Bien sûr. Évidemment. C'était un mélange entre un peu Code Quantum et Le Rebelle. Ouais. Moi, je jouais l'ancien partenaire du flic qui était mort. Et du coup, il l'aidait sous forme fantomatique. Et on avait fait un épisode. On était censé faire la suite. Mais après, Canal Plus a regardé. Et a fait ouais, vous emmerdez pas. Justement, mais. Bon. D'ailleurs, voilà, petit, les aléas, voilà, quoi, hein. On va devoir bientôt se quitter, mais je suis obligé de vous laisser un petit trivia. Il existe un épisode featuring entre Walker Texas Ranger et le flic de Shanghai. Voilà, je vous le donne. Ça, je vous le donne. Ça, c'est bien. Ça. Putain, j'avais oublié celui-ci là, le flic de Shanghai. Ah oui, Bolo, c'est Bolo. Bah oui, non, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Bolo Wang. Ouais, super mec. Un poil en surpoids, mais. Mais attention, le kick, il partait haut. Le kick partait très très haut dans le souvenir. Évite. En plein dans le visage, ouais. Voilà, bon, il y avait aussi un petit, je suis obligé quand même de vous partager Grise 2, c'est sympa. C'est ça la tagline du film. Peut-être pas trop inspiré là. Et de Madame Travolta. C'est sympa. C'est sympa. Écoutez, c'est sympa. Non, mais c'est vrai, pour juste un truc, c'est vrai que des fois, quand je suis en scout et tout, je vois des taglines avec des médias qu'on connaît pas. Je me dis, mais comment. Non, mais je veux dire, comment. On... Ah oui, tu veux dire les bah, avis des les... fois, le, oui. Combien on a le film de la rentrée, le film de cet automne, le film de l'hiver, le film de l'année, la comédie d'été. Ouais. J'ai eu la comédie de début d'année. Bon, c'est vrai que bon, après, bon, je pense que les gens, ils sont plus. Période encore plus réduite, non. Moi, j'avais. Le film de la semaine pour moi. J'irai pas mieux cette semaine, je pense. La comédie de la quinzaine. Extraordinaire, Annie Claude Lincache, ma mère. Ça met des trucs comme ça. Quoi. Le mieux qu'on avait vu, je sais pas si tu te souviens, il y avait un film, je sais plus, c'est un film d'horreur ouais, machin, et il y avait des citations. Et la citation, c'était. Et c'était des tweets, déjà. C'était un tweet, déjà. Et c'était il a l'air de déchirer. C'est-à-dire que la personne n'avait pas vu le film. C'est quelqu'un qui avait pas vu le film et qui disait il a l'air de déchirer. Ouais. Fait, bon, bah là, mettez rien. Moi, je peux vous dire la meilleure critique que j'avais. Il y a un film qui s'appelait. C'est très facile, mais je me rappelle très bien parce que je collectionnais les studios magazines. Il y a un film qui s'appelait Oublie-moi et le gars avait mis C'est fait. Oh, voilà. salaud. Hein. Il avait peut-être adoré le film et il s'est dit non, mais c'est trop beau, je peux pas passer à côté de cette scène. C'est vrai, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pio et Olivier. Mais si, mais ça fait déjà. Écoutez, y a, on m'a dit qu'il y avait des avions. On m'a dit qu'il y avait c'est déjà des fini, choses. Mais putain, ouais, on se marre bien là. Mais ouais, mais vous. On peut continuer. Oh, alors, s'il y avait un troisième jeu, mais on n'a pas le temps. Il y a des gâteaux. C'est... pas de brésil, non, mais on peut, peut-être qu'on peut dire qu'on reviendra. Mais franchement, ah ouais, moi je suis trop chaud, c'est agréable. Tagline, we'll be back. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, attention, et là, regarde, un peu animateur. Vous reviendrez parce que Pio bientôt. Alors il y a en plus il y a un mousquetaire qui arrive en plus dans oui, quelques mois. Donc, voilà. Ne me demandez pas la date précise parce que j'ai pas en tête. Mais c'est décembre. C'est au mois de décembre. Voilà c'est ça. Donc oui, Pio et François Civil, ça vous fait une belle. Ce serait très joli. Bien sûr. Bien, ah oui bien sûr. Pas. Avec plaisir. Pas avec joie. Et là tu manges pas des trucs qui piquent et tout là. Et là il y aura du bretzel. Là il y aura du bretzel. C'est super cette émission, c'est hyper agréable. J'adorerais que dans le film on voit t'as des amulettes partout et tout. Il a pris des initiatives là. Il a une couronne. Un sceptre. Qu'est-ce qui se passe? Une comparaison avec Vivement Dimanche. Non. Non, mais attendez. Mio, je veux revenir sur cette histoire. Franchement, c'était une émission somptueuse. Je mets personne à dos. Hey. Je suis un mec coolos. Ça arrive à tout le monde de confondre les prénoms. Il y a trois lettres. C'est vrai que c'est un prénom qu'on entend tout le temps. En plus, voilà, c'est comme ça. Et c'est du passé. C'est du passé. Merci à vous. T'inquiète pas, il n'y aura pas d'article. Pio Marmaille clash Michel Drucker. T'es pas ici. T'es à la maison. Tout va bien. Tout va bien. Je suis encore allé trop loin. Non, mais une année difficile. Voilà, le 18 octobre au cinéma. Franchement, on a regardé en face. Il n'y a pas grand chose. Vraiment. Allez voir Une année difficile. Il y a un Scorsese, mais de 4 heures. N'y allez pas. Trop long. Beaucoup trop long. C'est très chiant. De qui? Non, mais en plus. Vraiment, qui veut aller 4 heures au Cinoche? Là, voilà. 2 heures, une vraie belle histoire. C'est un super joli film en plus. Merci, bravo. Merci. Très drôle. Merci. Très drôle. Il y a aussi, parce que c'est un habitué de la maison, faut le dire, Jonathan Cohen. Bah oui. Jonathan Cohen est aussi dedans. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, parce qu'à l'époque, moi j'ai travaillé sur Le Flambeau, j'ai coécrit Le Flambeau. Ouais. Et il était très fatigué sur Le Flambeau. Il dit j'en peux plus, mais vraiment il se plaignait tous les jours. Et là, il fait je fais le nouveau film de Nakash. Je fais mais tu vas mourir donc tout simplement. Et c'est vraiment au service du film parce qu'on sent qu'il est fatigué. Tout à fait. On sent qu'il est fatigué. Et bien bravo d'ailleurs pour ce flambeau. Très Flambeau. Et la flamme, beaucoup fait rire. Mais merci beaucoup. Moi j'ai eu le nez creux de quitter l'écriture. Les deux. Ouais, pas le meilleur au casino, le Méniel. Tiens, les ringards, je suis Bernard Tapie. Et alors, les mecs. Bon, merci beaucoup, les garçons. Merci, les gars. À bientôt. Ouais, merci, salut, merci ciao, beaucoup. Bye. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.